بسم الله الرحمن الرحيم. Donc là, nous allons commencer dans notre premier cours. Suite, après que nous ayons pris la Muqaddimah, qui présente le livre et son contenu, nous allons commencer par les premières questions citées par l'auteur, Hafizallahu Ta'ala. Et il commence bien évidemment par Kitab al-Tawhid ou l'Aqidah, car le Tawhid, c'est pourquoi nous avons été créés en premier lieu. Et la Aqidah, notre Aqidah, ce sera sur quoi sera basée notre religion par la suite, c'est-à-dire tous nos actes, d'accord, nos intentions. Et cela se base sur notre Aqidah, notre croyance. Ou la Aqidah, huwa ma yata'allaq bihi al-qalb. C'est ce sur quoi le cœur s'accroche, notre croyance. C'est la chose qui a le plus de valeur pour le musulman. Son Tawhid et sa Aqidah. Car sans Tawhid, nul n'entrée au paradis comme cela sera cité Bismillah. Donc il a commencé par l'essentiel. On commence toujours par le plus important. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wa par le Tawhid en premier lieu. Naam. Faqala babu al-iman wa maratib ad-din. Donc il dit, maintenant c'est le chapitre de la foi et des niveaux de la religion. Qala fi su'al al-awwal ma hiya maratib ad-din. Quels sont les niveaux de la religion? Qala il y a trois maratib. L'islam, l'iman et l'ihsan. Donc là, les trois niveaux de la religion sont l'islam en premier lieu, qui sont les actes apparents, l'iman, qui sont les actes intérieurs, et l'ihsan, qui est l'excellence. Qui est l'excellence? Qui revient à adorer Allah en premier lieu, comme si tu le voyais. Ça, c'est la première étape. Mais bien évidemment, Allah, tu ne le vois pas en ce bas monde. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc, tu fais une adoration en te sentant observé par ton Seigneur. Et quand l'islam vient tout seul, il englobe l'iman. Et quand l'iman vient tout seul, il englobe l'islam. Et la preuve en cela, c'est le hadith, le fameux hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, حينما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Donc lorsque Omar ibn Khattab dit, alors que nous étions en présence du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, un jour nous parvint un homme d'une noirceur, dont la chevelure est d'une noirceur éclatante, et également dont les vêtements sont d'une blancheur éclatante. Et il n'apparaissait sur lui aucune trace de voyage, car il était en voyage loin des villes. Donc une personne est apparue avec cette apparence-là, c'est celui qui les a surpris. Et il dit également que personne ne le connaissait. Et il s'assit devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en collant ses genoux à ses genoux et en posant ses mains sur ses cuisses. Et là, il y a eu un khilaf, est-ce qu'il a posé ses mains sur ses cuisses à lui-même ou sur les cuisses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui paraît le plus probable, c'est qu'il ait mis ses mains sur ses propres cuisses à lui-même. Donc là, ça nous enseigne comment s'assoit le talib devant son enseignant, devant lui, face à lui, avec quiétude. « Wa qala ya Muhammadu, akhbirni an l'islam. » Donc, « Oh Muhammad, informe-moi de l'islam. »« Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-islam an tashhad an la ilaha illallah, wa ana Muhammadan rasulullah. » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. Donc il a dit, oh Muhammad. Et ce qui était connu chez les compagnons, c'est lorsqu'ils interpellaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient Rasulullah. Ils n'appelaient pas par son prénom. À part des fois des bédouins qui venaient de loin et qui n'avaient pas encore appris, on va dire, qui n'avaient pas encore reçu une bonne éducation, comme c'était le cas des gens des villes. Et des fois, il était un peu rustre, il disait au Mohammed. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il connut chez les Sahaba, même chez ses femmes, elle l'appelait Rasulullah. Donc là, il fut nommé Mohammed. Il l'interrogea pour de l'islam. Il dit, l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y ait d'autre divinité digne d'être adoré ce n'est Allah, et que Mohammed est le message d'Allah, et que tu accomplisses la salat, que tu t'acquittes de la zakat, et que tu fasses le jeûne de Ramadan, du mois de Ramadan, et tu fasses le hajj à la maison sacrée, si jamais cela t'est possible. Il lui a dit, tu as raison, tu as dit vrai. قال يعني عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. Après, par la suite, cet homme lui dit, informe-moi de la foi. Il lui dit, la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il dit, tu as dit vrai. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَنُيَرَاكَ. Après, il lui a dit, informe-moi de l'excellence. Il dit que tu adores, c'est que tu adores Allah comme si tu le, si jamais tu le voyais. Si jamais tu ne le vois pas, alors sache que lui te voit. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. Après, il lui a dit, alors informe-moi de l'heure. La fameuse heure où tout s'éteindra sur, en cette dunya. قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنِ السَّائِلِ. Il a dit, le questionneur, ou plutôt, le questionné n'est pas plus savant que le questionnaire. C'est-à-dire, ce que tu me dis, je n'en sais pas plus que toi. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراة ولا العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Il dit donc, informe-moi donc de ces signes précurseurs. Il dit que lorsque l'esclave mettra au monde sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds dénudés et pauvres bergers de brebis se concurrencer dans la construction d'édifices, c'est-à-dire faire des grandes maisons. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أو يعلمكم دينكم. Puis parce qu'il s'en alla, je restais un moment, c'est-à-dire Omar qui parle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? Je dis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, c'est Jibril, l'ange Jibril, qui vous est venu pour vous enseigner votre religion. Donc de là, on voit que les anges ont la faculté de pouvoir prendre une apparence humaine. Car Jibril, alayhi salam, sa vraie apparence, et qu'il avait 600 ailes qui recouvrent tout l'horizon, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vu au début de la révélation. Et Jibril, c'est l'ange qui est chargé de faire descendre la révélation sur les prophètes et les messagers. Et c'est le meilleur des anges. Non. Donc de là, on a appris, par ce hadith, l'épreuve des trois étapes de la religion qui sont à l'islam, les actes apparents, al-iman, les actes intérieurs, al-irsan, qui est l'excellence. ثم قال في السؤال الثاني ما هي الأربع المسائل التي يجب علينا تعلمها. Donc il dit maintenant, question que l'on trouve dans Usul Salafa, quels sont les quatre points qui nous est obligatoire d'apprendre? C'est-à-dire à chaque musulman, des choses qu'il est obligé d'apprendre. Il dit, la réponse, al-oula, al-ilm. En premier lieu, le savoir, la science. Thania, al-amal bi. Deuxième chose, d'appliquer cette science. Thalitha, al-da'watu ilayhi. Troisième chose, d'appeler à cette science, ce savoir. Et appeler les autres. Arabia, al-sabl, al-azafi. Et quatrième point, c'est de patienter sur ce qu'on va endurer comme difficulté en remplissant cette mission. Car apprendre demande de fournir des efforts, appliquer également demande de fournir des efforts, de retransmettre également car les gens vont s'y opposer. Et ça qui se concerne le quatrième point plutôt qui est la patience car les gens vont s'y opposer. Naam. Car talab al-ilm, c'est raf al-jahl an nafsik wa an ghayrik. Quand tu fais talab al-ilm, que ta niya soit que tu ôtes l'ignorance que tu as en toi, bien que notre ignorance sera toujours plus grande que notre savoir. Comme a dit Allah Ta'ala, wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Vous n'avez reçu que peu de science. Ce que l'on sait sera toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce que l'on ignore. Mais évidemment, quoi qu'il en soit, ce que tu auras appris, tu te dois, par la suite, de le retransmettre. Ce qu'on appelle une da'wa. Un appel, un prêche. Donc la preuve de ces quatre points, الدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Donc la preuve, c'est dans le verset, dans le sens où Allah dit, et sache qu'il n'y a d'autre divinité Digne d'être adoré en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate Mohammed, verset 19. Donc en premier lieu, sache. Deuxièmement, deuxième preuve qui renferme les autres masa'il, sourate Al-Asr, quand la Ta'ala, ou Al-Asr, inna l'insana la fi khusr, illa l'azina amanu amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Donc cette fameuse sourate qui est courte et que la plupart des muslims connaissent, dans laquelle dans le sens Allah il dit, par le temps, certes l'homme courra sa perte, hormis ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien et qui sont enjoints dans la vérité ainsi que dans la patience. Donc cette sourate englobe la science et les actes. Car il a dit, il a dit amanu, al iman, ceux qui ont cru. Donc pour avoir cru, c'est que tu as eu la science. Wa amilu, ceux qui ont œuvré. Wa amilu salihat, qui font des bonnes œuvres, ceux qui ont œuvré. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. C'est-à-dire le tawassaw, ils sont enjoints comment? Par l'appel, en appelant les autres. Et tawassaw bil sabr, ils patientent sur ce qui risque d'endurer par la suite. Naam. Donc là, ce sont les deux premières questions que nous avons prises aujourd'hui. Et on va se contenter de cela. Falhamdulillah rabbil alamin.